À cette vue, les chevaliers qui étaient dans les huissiers descendent à terre, dressent des échelles contre le mur et montent en haut du mur de vive force. Ils conquirent bien 4 des tours. On commence alors à sauter des nefs, des huissiers et des galères, à qui mieux mieux, à qui débarquera le premier. Ils enfoncent bien 3 des portes et pénètrent dans la ville. On commence à tirer les chevaux des huissiers et, chevaliers, de monter en selle et de chevaucher droit au camp de l'empereur Murzufle. Il avait ses corps de bataille rangés devant ses tentes, et lorsqu'ils virent les chevaliers en selle, ils se débandèrent. Et l'empereur s'en va, fuyant par les rues, jusqu'au château de Bouchelion. Alors, vous auriez pu voir les croisés abattre les Grecs et prendre chevaux et palefrois, mulets et mules et autres butins. Et il y eut là tant de morts et de blessés que c'était sans fin ni mesure. Une grande partie des hauts seigneurs de Grèce se retira vers la porte de Blacherne. Et déjà le soir tombait, et ceux de l'armée étaient là de la bataille et du carnage. Ils commencent à s'assembler sur une grande place qui se trouvait dans Constantinople, et ils décidèrent qu'ils camperaient près des murs et des tours qu'ils avaient conquises, car ils ne pensaient pas qu'ils dussent vaincre la ville en un mois avec les solides églises et les solides palais et les gens qui étaient dedans. Comme ils avaient décidé, ainsi fut fait. Ils campèrent donc devant les murs et les tours près de leurs vaisseaux. Le comte Baudouin de Flandre et de Hainaut se logea dans les tentes vermeilles de l'empereur Murzufle, que celui-ci avait laissé toutes dressées, et Henri, son frère, devant le palais de Blacherne. Boniface, marquis de Montferrat, avec ses gens, vers le gros de la ville. L'armée cantonna donc, comme vous venez de l'entendre, et Constantinople fut prise le lundi avant Pâques fleurie.